émission vous est présentée en rediffusion. Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Je m'appelle Mathieu Plante et je passe toujours comme ça 3 semaines à déballer des CD. Mais quel bonheur, quel privilège est-ce pour moi d'allumer ce Poste d'écoute pour vous. Du côté francophone, petit avant-goût parce que je sais que vous voulez savoir ce qui s'en vient dans cette émission. On va commencer par un spécial francophone. Je garantis pas qu'on va faire l'émission complète avec ça, mais au moins sûrement les 2 premières heures. On va avoir le nouvel album de Daniel Boucher. Il y a aussi celui de Olivier Lamar. Il y a Émilie Proulx, la formation Maud, ou au moins la fille Maud. Je sais pas si c'est du rap, ça, ouais. L'escapade de Colombe Dufour. Amélie, qui a l'air assez intriguant. Tristan, et aussi Benny72. Vous voyez qu'on a beaucoup de francophones, mais on commence par des Français. On va aller entendre la formation Royal Arch. Tout de suite, voici Aurore Boréale dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. le poste d'écoute. formation française Royal Arch dans le poste d'écoute. On vient tout juste d'entendre la pièce Je tombe, c'était précédé de Aurore Boréale, et puis justement c'était À genoux. On a entendu donc les trois premières pièces de leur album, mais pas dans l'ordre que vous voulez. Elles viennent de Languedoc-Roussillon en France, c'est du pop indie rock, et là sur leur MySpace, il y a un beau petit texte qui dit, et je cite, « En 2003, des scientifiques de l'université de Plymouth auraient effectué une expérience avec des singes au zoo de Paimpont à Devon, en Angleterre. Laissé passer un mois un clavier d'ordinateur dans la clôture qui parquait six macaques à crête de Sulawesi. À la fin, ils constatèrent que les singes n'avaient produit que cinq pages ne contenant que quelques lettres longuement répétées. Ils rapportèrent que les singes avaient commencé par attaquer le clavier avec une pierre et avaient ensuite uriné et déféqué dessus. » C'est le résumé de Royal Arch. Allez voir myspace.com/RoyalArch. Influence Dominique Le Batard, Klaus Kinski, Jérémy Brett, Lobsang Rampa, il y a un paquet d'autres noms comme ça. Assez intriguant comme groupe. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aurais bien dit que jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai aimé le plus. C'est le premier album de l'émission, donc ça ne voudrait pas dire grand-chose. Je vais garder ça pour plus tard. Parce qu'à la fin de l'émission, quand je m'en rappelle, je couronne un poste d'or. Et sinon, je le mets sur le site web au www.unechance.com. C'est là, d'ailleurs, que vous pouvez visiter tous les liens de tous les artistes de chacune des émissions. Il en manque même pas une. Hein? Donc, tout est là pour vous. www.unechance.com. Il y a aussi la balado-diffusion en MP3 à chaque semaine si ça vous dit de réentendre l'émission. On reste dans le francophone parce qu'on se tape une première heure au moins francophone, sûrement une deuxième aussi tantôt. On y va avec Daniel Boucher. Son album tout récent s'appelle Le Soleil est sorti. On va entendre justement cette pièce-là dans le bloc, mais on commence par l'intro du disque. Voici Ré dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça! L'émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cifou.ca. Thank you. soleil. On fait-tu pareil? On se fait-tu soleil? On jette aux poubelles toutes nos vieilles affaires. On fait-tu ménage? On se fait-tu l'air? Soleil, on fait-tu pareil? On se fait-tu soleil? On jette aux poubelles toutes nos vieilles affaires. On fait-tu ménage? On se fait-tu clair? Le banc de ville et ma achète une quarantaine. Sans cesse, oui, tu suis, sans cesse, en tort de fleurs sous l'aile. Je me demande si ces portes s'ouvrent, si oui, à qui, et puis lesquelles. Je me sens le vent qui vibre, qui hymne toute la semaine. Je me baragouine mon île et m'agresse la mitaine. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'emmener plus loin que ça? Peux-tu me montrer la beauté du mort, du port vernis, du port lustré? J'ai le droit d'oubli, d'aller de manucurer. J'ai le doux gentil, mais jamais je ne te mononclerai. Et puis je me sens le temps qui follement m'appelle à la scène. Et j'ajuste mon col et me sors la dégaine. Je me sens l'argent qui mollement me mène la trentaine. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'emmener plus loin que ça? Peux-tu me montrer la beauté du mort, du port verni, du port lustré? Ça fait que j'ajuste mon col et me sors la dégaine. Et j'ajuste mon col. Daniel Boucher est Sans ma vie dans le poste d'écoute, c'est bien son nouvel album, Le Soleil est sorti. Juste avant, c'était la pièce titre, on a débuté avec Ré. Très bon ça, Daniel Boucher. Je pense pas qu'il ait besoin du poste d'écoute pour vraiment faire carrière. Là. Je pense que c'est déjà fait. Son MySpace dit que la carrière de Daniel Boucher a connu un essor fulgurant depuis 99. Il a vendu plus de 100 000 albums, s'est produit avec ses musiciens dans près de 200 spectacles dans une tournée pan-canadienne et aussi à quelques reprises en France. Depuis la sortie de son premier disque, 10 000 matins, Daniel a acquis une certaine notoriété, cumulant les succès, la reconnaissance, les prix et les distinctions. Récipiendaire de 10 Félix, il a représenté une véritable révélation pour le Québec. Bête de scène, l'artiste a réussi à attirer les projecteurs par sa grande aisance sur scène, son originalité et son côté innovateur d'entrer en relation étroite avec son public. Dès le départ, l'artiste a su implanter solidement sa signature tant du point de vue scénique qu'en tant que compositeur... auteur, compositeur, interprète, déroutant le public et les médias et l'industrie du disque et du spectacle. Allez voir myspace.com/ Daniel Boucher officiel ou encore son site web qui est sur boucanbleu.com et son album, je le rappelle, s'appelle Le Soleil est sorti. On reste dans le francophone, dans ce spécial presque complètement francophone du poste d'écoute pour aller entendre une artiste féminine qui s'appelle Émilie Proulx. Son nouvel album est Dans une ville endormie et tout de suite voici Des horreurs par hasard. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, en même temps que vous, au 89.1 FM, c'est fou. Use un crayon sur ma tête fatiguée. Vente des horreurs au hasard. Ce que je suis, donne tout ce que j'ai, change mon cœur pour un code bas, un code bas. ça donne soif. Je suis pas près d'en finir, même avec le temps. C'est comme ma mère à je rêve. C'est fou dans vos oreilles. 89.1 sur le net au c'estfou.ca. Nouvel album dans une ville endormie d'Émilie Prou, ici dans le poste d'écoute. C'est fou, 89.1 FM, c'était bon ça. Émilie Prou du indie folk down tempo, et bien de Montréal. Cet album-là a été écrit, interprété et réalisé par elle entre 2004 et 2006 à Montréal et ailleurs. C'est ce que ça dit sur l'album. Elle est en spectacle en passant en janvier. Oh, c'est loin quand même, donc début janvier à Montréal. Puis ensuite, elle va faire une tournée. Et la sortie de l'album est le 20 janvier. Donc on le reçoit beaucoup à l'avance ici, assez fou. Ça arrive des fois. Émilie Prou à la voix, la guitare, Rose Normandin, clavier et voix, Nicolas Gouin à la guitare, Mathieu Deschenaux à la basse et la contrebasse et Antoine Marquis à la batterie, ça c'est lorsqu'ils sont en spectacle. En marge des courants francophones actuels au Québec, ma musique mélange la simplicité du folk et du sadcore, dit-elle, des textes personnels et une imagerie entre autres inspirée de Johnny Mitchell et Joseph Arthur. Ça donne des chansons lentes et réflectives aux atmosphères obscures qui ne ressemblent peut-être à rien, sauf à moi. Émilie Prou, myspace.com/Émilie Prou ou encore EmilieProu.com. Son album s'appelle Dans une ville endormie. On reste dans le francophone et on termine presque cette première heure avec le nouvel album de Olivier Lamar. Il s'appelle Le plaisir est nomade et à l'instant même, voici Je vise un mardi dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.fr. Je constate que je vis un mardi toute ma vie. Une sonate qui oublie le refrain du samedi. Les semaines, tu récits sans repère dans les mélodies. Mais au moins, je n'ai point de dimanche après-midi. Mais qu'est-ce qui rappelle le printemps aux hirondelles? Et qu'est-ce qui les ramène malgré elles? La tête ailleurs et mes pas qui succèdent l'un à l'autre, le cœur d'une ville. Je cherche à travers les carreaux des maisons un asile. J'avance sans même savoir où je vais, comme une feuille à l'automne qui vacille. Sa chute ou son vol dépend de l'un ou l'autre des périls. Je constate que je vis un mardi toute ma vie. Une sonate qui oublie le refrain du samedi. Les semaines du récit sans repère dans les mélodies. Mais au moins je n'ai point de dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'entrevoir une finale en quelque part? Et qu'est-ce que s'accoster au port? La tête ailleurs et mes pas qui succèdent l'un à l'autre, le cœur d'une ville. Je cherche à travers les carreaux des maisons un asile. J'avance sans même savoir où je vais, comme une feuille à l'automne qui vacille. Sa chute ou son vol dépend de l'un ou l'autre des périls. Toute ma vie, une sonate qui oublie le refrain du samedi. Les semaines du récit sans repère dans les mélodies. Mais au moins, je n'ai point de dimanche après-midi. Mais qu'est-ce qui rappelle le printemps aux hirondelles? Qu'est-ce qui les ramène malgré elles? La tête ailleurs et mes pas qui succèdent l'un à l'autre, le cœur d'une ville. Je cherche à travers les carreaux des maisons un asile. J'avance sans même savoir où je vais, comme une feuille à l'automne qui vacille. Sa chute ou son vol dépend de l'un ou l'autre des périls. Pour visiter les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. Ces quelques lignes qui soulignent ton arrivée à l'étranger peuvent me permettre de rester digne et faire des rêves de voyager. Un autre printemps sans contre-temps, 17 mouvements en 4 temps. Y'a rien qu'un mètre pour disparaître et reparaître, enfin renaître. Merci pour la carte, je collectionne les coins du monde. Je me fais un grand collage des images que je rassemble. Je me sens presque en voyage à regarder mes murs de chambre. Soit j'anticipe monter à bord, sortir dehors où je participe. Deux clairs de lune, un ciel qui fume, une nouvelle tribune, 5 sous chacune. Révolutionnaire, le ciel affiche un clair de lune. Mon intuition qui guette derrière dans sa lumière, mes horizons dans un horaire qui m'exaspère. Je laisse la place pour les frissons. Merci pour la carte, je collectionne les coins du monde. Je me fais un grand collage des images que je rassemble. Je me sens presque en voyage à regarder mes murs de chambre. Tant d'états d'âme se croisent. Tant d'états d'âme se croisent. Un jour qui s'apprivoise. Quelle belle histoire courtoise. Je parsème la route au compte goutte. J'arrête, j'écoute, alors je doute. Et sans aucun doute, la peur dissoute. Coûte que coûte, et j'épouse la route. Merci pour la carte, et je collectionne les coins du monde. Et je me fais un grand collage des images que je rassemble. Je me sens presque en voyage à regarder mes murs de chambre. Je me sens presque en voyage, mais je m'en vais travailler dans l'espoir qu'un jour peut-être je pourrai enfin m'évader. Merci pour la carte, une pièce d'Olivier Lamar. Ça vient de son nouvel album Le Plaisir est Nomade. Juste avant, c'était Je vise un mardi. Olivier Lamar vient d'envoyer dans le fond assez fou son troisième album à titre de réalisateur, auteur, compositeur et Olivier Lamar est présentement en production d'un troisième album, bon celui-là, à titre de réalisateur, l'auteur, compositeur, interprète Yves Marchand. Voilà. Un album folk contemporain aux accents du monde évadera l'âme bohème. Méditez sur son site au olivierlamar.com. Ça dit plein de choses là-dessus, là, qui est un artiste québécois qui a débuté son écriture en 97 au sein de la formation anglophone Punk Rock Strike, dans laquelle il agit comme auteur, compositeur, chanteur et guitariste. Allez lire la biographie si ça vous intéresse sur le site. Nous, on doit terminer cette première heure à l'instant même. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi ont toujours 20 minutes de contenu additionnel, donc eux vont entendre au moins la pièce Si tu étais boulangère. Tantôt, quelqu'un qui travaille avec Olivier Lamar, c'est Amélie. On va l'entendre parce qu'elle nous a envoyé elle aussi son album, donc ça va être au début de la deuxième heure. Restez avec nous et les auditeurs du vendredi s'en vont se renseigner avec les nouvelles de Radio-Canada. Restez là. À tes yeux, je vois un océan s'élever devant moi. Des histoires de naufrages et de cœurs qui chavirent, d'éléphants sauvages venus nous accueillir. Je franchirai l'hiver, même le plus dur, pour te retrouver. Qu'est-ce que t'en penses si t'étais boulangère? Ah, je te jure, ton pain, je passerai le chercher tranche par tranche. Garde tes pieds et vois un pèlerinage qui sommeille en moi. Des collines étoilées sans accroc ni frontières, en voyage d'été, même au cœur de l'hiver. Des histoires de naufrages et de cœurs qui chavirent, d'éléphants sauvages venus nous accueillir. Je franchirai l'hiver, même le plus dur, te retrouver. Qu'est-ce que t'en penses si t'étais boulangère? Ah, je te jure, ton pain, je passerai le chercher tranche par tranche. Mais je parle de toi, il m'arrive de rêver. Existeras-tu pour me retrouver? Quand je pense à tes yeux, je vois un océan s'élever devant moi. Ah. Certaines choses qu'on n'a pas le choix, ce sont elles qui nous traînent derrière. Je flotte en l'air, en suspens. Allez savoir si au fond ça me dérange, comme cette masse étrange qui submerge mes idées et m'englobe malgré moi. C'est étrange, et au fond qu'est-ce que ça change? Il y a certaines choses qu'on n'a pas le choix. sont-elles qui nous traînent derrière? Alors qu'importe combien de temps il nous reste le présent. Je m'apprête à tourner la tête. Soudain, dans la foule, mon regard s'arrête sur celui d'une fille qui semble en quête, qui me lance un regard rempli de discours. Mais cela ne sert-il qu'aux chansons d'amour? Posture maladroite, dans ma veste en losange, chaussures adéquates, modeste mélange. Je fais un pas et puis un autre, et parviens enfin à lui rendre son bonjour. Mais cela ne sert-il qu'aux chansons d'amour? Planté devant elle, mon regard se glisse de ses fines chaussures noires à sa grande chevelure d'or, paupières pastel, élégante esquisse. Elle propose ensuite de sortir faire un tour dans un décor de ruelle de faubourg. Elle connaît les places et les vieux carrefours, me remplit la vue de mille détours, se tirant le bras comme des enfants qui chantent en courant de vieux succès d'amour. Mais cela ne sert-il qu'aux chansons d'amour? Près des terrasses, romance un ténor, une dédicace en quatre accords aux amours printemps comme elle et moi qui suivent le courant de la belle saison, traversant un pont comme celui d'Avignon. Tandis que je fredonne, elle s'abandonne au grand compliment. Chanter tout bas, on prend un instant près de la fontaine, tous deux sachant que l'on va se revoir un peu plus tard dans nos habits du soir. Et on se rejoint comme prévu au café des amours sur la dernière rue. Le soleil qui reste est à demi-jour. Je prête ma veste par le froid qui court. Mais cela ne sert-il qu'aux chansons d'amour? Qu'est-ce que l'amour? Je suis tout à elle et sans retenue, ma demoiselle au dépourvu, et plein de romances et de beaux discours. Mais cela ne sert-il qu'aux chansons d'amour? Existe-t-il un amour sans accrochage dans les discours? Cela ne sert-il aux chansons d'amour? Bon, attends, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Enchanté de vous connaître. Dans cette deuxième heure, qui va être pas mal complètement francophone aussi, il va y avoir beaucoup de variétés. Il va y avoir du rap avec Maude. Il va y avoir des musiques qui m'ont l'air très quétaine, je sais pas. Escapade de Colombe du Four. Il va aussi y avoir un Christian avec Où que ce soit. Et Benny 72 avec une valise sur sa pochette et des beaux souliers bleus. J'ai bien hâte d'entendre ça. Mais on commence avec Amélie. Vous vous rappelez peut-être à la fin de la première heure pour ceux qui étaient avec nous à ce moment-là. On écoutait Olivier Lamar. Et puis, sur son site, ça disait que une des filles qui avait pris des photos de lui, c'était Amélie quelque chose. Puis là, j'ai cliqué sur le lien. Puis ça donne que c'est la même fille qui nous a envoyé le CD d'Amélie elle-même cette semaine. On l'a aussi dans nos mains. Donc, on s'est bien faire jouer. Je n'avais pas de parler comme j'étais plusieurs personnes, tu sais. Mes mains, j'ai un CD, je le mets dans le lecteur, je vous le fais entendre, vous le découvrez, vous aimez ça ou pas. Hein? Amélie, son album s'appelle Jusqu'aux oreilles, et tout de suite, voici Espace. Donc, pas d'écoute. Au 89 FM, c'est fou et c'est n'importe quoi. Ce que tu es, ce que tu dégages et ce que tu crois être, il y a beaucoup trop d'espace. De l'espace à ne jamais se trouver, à douter pour toujours du fond de vérité. De l'espace entre ce que j'ai cru et ce qui est. Mais c'était si beau de loin. C'était si beau, vu de loin. J'en suis presque tombée. Je croyais te lire, mais entre ce que tu es, ce que tu dégages et ce que tu crois être, il y a beaucoup trop d'espace. De l'espace que toi-même ne sais habiter, que tu perds à toujours douter. Tellement te mentir, tu finis par te croire. C'était si beau, plus de loin. On croyait presque que tu ne faisais qu'un. C'était si beau. Poste d'écoute. reste dans les mains. Je préfère me dire qu'il m'en restera encore demain. Moi ça. La fête de l'autruche de Amélie. dans le poste d'écoute. Justement, c'était Courage. On a débuté avec Espace. Très bon. Moi, jusqu'à maintenant, le francophone me satisfait beaucoup. J'aime beaucoup ces émissions spéciales francophones. Amélie, elle vient de Montréal. Mais en fait, elle dit venir de Montréal, mais elle vient vraiment de Mascouche. Elle est née en 1982 à Mascouche. Depuis, elle a grandi. Le genre désormais au deuxième étage de Triplex Montréalais. Il a dû s'ajuster à la vie urbaine. Malgré des voisins plus ou moins mélomanes, Amélie n'en fait qu'à sa tête. Son répondeur en guise de console, vaille que vaille, elle commence à enregistrer ses chansons. Du tout petit matin jusqu'au bout de ses idées, elle écrit les paroles et les musiques qui bourdonnent dans ses oreilles. Prenant ensuite son courage à une main, elle frappe de l'autre à la porte d'Audiogramme. Bientôt, elle fait la connaissance d'un certain Hurlubirlu, oui. Bourré de talent, JF Lemieux, qui l'accompagne dans la réalisation de son projet. En sa joyeuse compagnie, elle concocte une nouvelle maquette qui, suite à un labeur intense, deviendra son premier album. Elle dit aimer le sucre dans le chocolat surtout, les matins, ceux des dimanches de préférence. Ne pas penser les petits accidents, embrasser, entendre ma voisine se plaindre, la famille, etc., etc. Allez voir son MySpace au myspace.com/AmélieBruit. Et là, Amélie, c'est A-M-Y-L-I-E. Oui, c'est la semaine des gens avec des noms qui s'appellent bizarres pour moi. Amélie, voilà. C'est joli, c'est gentil, j'aime bien. C'est tout mignon. Hein? Ça fait penser un petit peu à Cœur de Pirate, mais avec un petit peu plus de musique. Voilà. L'album s'appelle Jusqu'aux oreilles, en passant. On continue dans le francophone, dans ce spécial presque complètement francophone du poste d'écoute pour aller entendre un simple de Cristan. Ça s'appelle Où que ce soit. Paroles et musique par Cristan. Allez voir Cristan.com, un autre avec un nom bizarre, la K-R-Y-S-T-A-N. C'est spécial. On aime ça, nous autres, l'originalité. Le voici tout de suite et j'ai entendu un extrait. Je suis pas sûr. Pas certain. On écoute pareil. Faut voir. C'est en français, on aime ça. Si vous aimez pas ça, appelez-moi en studio en direct le vendredi matin. J'étais parti. Vers ma mort, pour échapper à l'ennui d'une vie bien ordinaire. Dans un havre de paix, je t'ai trouvé. Où tu vagabondais. Sauvage, ignore tout du temps. cœur depuis que tu es là. Restons avec où que ce soit dans le poste d'écoute. C'est un simple, on n'a pas reçu l'album complet encore, on va attendre avant d'en parler en détail, mais quand même, c'est un auteur, compositeur, interprète de Montréal qui fait du pop-rock alternatif. Allez voir Kristan.com. Tout de suite, on écoute Maud avec son album de rap À force d'amour. Voici À cause, featuring Vagalarm. Dans le poste d'écoute au 89 FM, c'est fou ça! Je suis en quête d'un voyage où ma rage se dégage. Éloigné des ravages, y a plus de trucage. Sans sabotage, accosté pas que de passage. Sur cette page de ma vie où je suis quasi sage. Dans champ de fleurs en lueur, je suis sans couleur. Face à la noirceur du désespoir, en moi s'est entamée l'idée de calmer, d'acclamer l'intensité de ma nervosité, afin d'éviter de cesser de créer. Comme si peinte sur une toile, de cette tempête j'étais l'étoile. La froideur, le manque de chaleur, la lueur au bout du tunnel de l'équetel, la chance chancelle, c'est un tombette qui empiète sur toutes les facettes, comme la gâchette, peut-être cachée dans la mascarade, cache-cache d'une plaie maussade, y'a pas de pilule miracle. Y'a trop de dégâts à cause de ci et ça, y'a trop de babla qui me jugeait noir, y'a trop de tata qui me mettent dans le même état. C'est pas de la faute à qui ce soit, mais c'est pour ça je fais le bas. Y'a trop de dégâts à cause de ci et ça, y'a trop de babla qui me jugeait noir, y'a trop de tata qui me mettent dans le même état. C'est pas de la faute à qui ce soit, mais c'est pour ça je fais le bas. Les conflits, oublie, ébloui, rien ne suffit, même sans pli. J'accours à l'abri, mon alibi derrière de mes soucis. J't'ai tout dit, j'ai pas tout dit. Les mots blessent à travers les actions. Vivre sans tracas, j'connais pas. Vivre en ivresse, sans chavirer, me percher, mettre de côté les bords que j'ai pété. Recommencer sans divaguer, saisir la prochaine vague. Sans compte, allez me parle de mes pannes, de mes déceptions. Au goût amer de négation, voir que ma raison vivra au bout des concessions. J'reste derrière le obscur et j'endure ce futur, pas si sûr que j'envisage. À coup de gage, passe la rage que je calme, me voyage, l'état d'âme, l'état d'âme, l'état d'âme. Essayez ça, y'a trop de babla qui me jugeait noir. Y'a trop de tata qui me mettent dans le même état. C'est pas de la faute à qui que ce soit, mais c'est pour ça je fais le bas. Y'a trop de dégâts à cause d'essayer ça. Y'a trop de babla qui me jugeait noir. Y'a trop de tata qui me mettent dans le même état. C'est pas de la faute à qui que ce soit, mais c'est pour ça je fais le bas. Pour savoir de quoi je parle envers les préjugés. Et ça, c'est une chanson que j'ai écrite de tout mon cœur, de toute mon âme. Je voulais passer un message d'espoir, surtout aux jeunes qui vivent des difficultés, qui se font écœurer à l'école ou n'importe quoi. Que ce soit n'importe quel problème de la vie, tu peux toujours t'en sortir. Puis ta vie, c'est toi qui la construis. Le préjugé, j'en ai cassé, à croire que ma vie était brisée. Yo m'a banni, yo m'a lui, par mes écrits, je me suis enfui, je sais. La peur d'avancer, sans reculer vers son passé. Remédier ce qui est achevé, sans péché d'aimer, parce qu'on n'a jamais su l'être. À force d'être honnête, qu'on voulait en être. Un combat pour mettre en état, voilà pourquoi je fais ça. À tous les jours, je cours après ma vie. À mes beaux jours, c'est elle qui va me courir après. Parce qu'en fait, je crois que j'ai besoin d'un après, d'un after, sortir tout un conflit d'une vie. Pour gagner son paradis, on choisit pas sa vie, mais on l'écrit. sortir des équipes et les empires ou de l'absence de dire ce qu'elles pensent. Pour oublier la dépendance, avoir une seconde chance. C'est peut-être parce qu'on en vit la vie d'autrui qu'on détruit. Facile de pointer du doigt, de rire, de faux pas, de mettre une étiquette, mais moi-même je l'ai déjà faite. Chacun son archange, j'ai pas un coup de chance. Vite ta différence, faut pas que tu y penses. Mais y de l'arrogance et vainque la méfiance. Soyons fiers de dire ce qu'on pense. Inayons-nous de faire du remous avec des sujets tabous qui moussent à mi-chemin ou rebousse. Cause de fous, s'accepter comme qu'on est, sans soucier des différences. Sans peser la balance et s'élancer dans la cadence. Prendre la chance de vivre cette vie de romance, parce qu'on en a la chance. On choisit ta vie, tu l'auras vécu sans être déçu. On est comme on est, jugé pour ce qu'on est. Alors qu'on sait que c'est pas nous qui tranche. Mais l'étrange, rien ne change, même pour une poignée de change. C'est le sable du temps mouvant. On rentre dedans, premier respire de nos désirs. À notre dernier soupir, on peut pas le fuir. On peut pas le fuir, on peut pas le fuir, on peut pas le fuir. On peut pas le fuir. On choisit pas notre vie. Mode avec On choisit pas notre vie, featuring Vagalam. Justement, c'était la pièce À cause aussi avec Vagalam. Sans dire que j'ai vraiment pas aimé ça, ben, je dirais rien, finalement. Donc, les deux premières pièces de cet album-là, de Mode, myspace.com/ModeActiveStudio. Active Studio, c'est le nom du studio qui est actif dans la production de l'album de Mode. C'est du hip-hop, rap, évidemment, de Laval, Montréal. C'est juste très subjectif, le fait que j'aime pas ça. C'est du rap, c'est... Mode, jeune femme de 26 ans, auteure et interprète qui innove depuis maintenant presque 10 ans dans le mouvement hip-hop francophone. Ça, c'est selon eux-mêmes, les gens de chez Active Studio. Dès l'âge de 14 ans, elle commence à écrire des textes et à s'intéresser au rap francophone. Le temps est venu pour Mode de percer sa carapace et de vous dévoiler son univers musical. Cet artiste s'autoproduit et travaille en collaboration avec Vagalam, qu'elle a connu grâce à Clermont. Et depuis, une grande amitié est née entre Mode et tous les autres membres d'Active Studio. Malgré l'innocence que j'avais dans les yeux, j'ai découvert que la vie avait ses creux, dit-elle. Donc voilà, son album s'appelle À force d'amour. Et si vous voulez en savoir plus sur elle, je répète, c'est myspace.com/ModeActiveStudio. Mode écrit normalement cette fois-ci. On passe à un homme maintenant, parce que dans un spécial première heure et deuxième heure francophone, je pense qu'on va avoir le temps de finir le francophone si la fin de la deuxième heure. C'est merveilleux, on aime ça. Donc, Benny 72 est le prochain artiste. Sur sa couverture, on le voit avec un chandail extrêmement serré pour montrer ses pectoraux. Il a une veste, un veston par-dessus, pas de cheveux, et une belle valise bleue, et des souliers bleus aussi, sur un fond noir, tout ça. Hein? Je décris bien, hein? Hein? Je le sais. Non, mais... je trouve ça joli, mignon. Belly 72, il nous a envoyé seulement 4 pièces, donc on va aller entendre une certaine partie de ces pièces. Voici tout de suite Je suis ton ami. Hein? Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. À C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Es-tu gentil, minable, détestable? Es-tu un bandit, capable d'être aimable? Je me demande pourquoi tu fais plus que moi. Tu m'étrangles quand tu appuies de moi. Oh, il me dit, mais je suis ton ami et je suis celui qui détruit ta vie. Veux-tu t'effronter? Veux-tu m'étouffer? Veux-tu un de mes poumons pour respirer? tremble. Je me demande pourquoi tu abuses de moi. Tu m'étrangles quand tu abuses de moi. Et il me dit mais je suis ton ami et je suis celui qui décrit ta vie. Promesse en l'air, idée perfide, parfaite colère. Parle-moi de toi et de toi et moi. Parle-moi de toi et de toi et moi. Dis-moi pourquoi et pourquoi tu me le dis. Tu veux plus de moi, mais tu veux plus de lui. C'est un beau mélange, beauté mélangée. Et nous, une bande de couple, couple déformé. We'll be right back. c'est fou depuis 10 ans, 10 ans. Je crois que je suis fêlé, mais le monde entier est aussi cinglé. Folie, entre fous on peut s'entendre, car l'intelligence est une belle démence. Non, je ne suis pas fou, je n'ai pas perdu la raison. Non, je ne suis pas fou, on est tous débiles de toute façon. Folie, qui a le droit de pointer du doigt et qui se permet de rire de moi. Folie, on manipule, c'est ridicule, j'ai bien peur qu'on soit tous des crapules. Je n'ai pas perdu la raison. Non, je ne suis pas fou, on est tous débiles de toute façon. Et folie. Dans le poste d'écoute juste avant, c'était Parle-moi de toi et on a débuté avec Je suis ton ami. Trois pièces de Benny 72 qui viennent de son maxi de quatre pièces. Donc il nous en resterait une autre. T'sais, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Mais bon, Benny 72, c'est bon. Ça vient de Montréal. C'est super. Et en plus, il va être à la Trois-Rivières, oui, à l'Embuscade, le 21 janvier 2009 à 21h. C'est déjà bien prévu, ça. Le Rock Pop Funk de Benny 72. Allez voir myspace.com/Benny72 ou encore Benny72.com. Les membres sont Benny ou Benjamin Bergeron à la voix et au clavier, Guillaume Boucher à la guitare, Olivier Fischer à la basse et Franck Wastio à la batterie. Benny 72 est un groupe explosif et haut en couleur, dit leur MySpace, qui nous propose de nous transporter dans leur univers de composition rock bien musclée, imprimé de rythmes disco-funky et lubrifié de soul-pop. Montez-vous à bord, demande-t-il. L'histoire particulière de la formation commence en mars 2002. Olivier Fischer, Guillaume Boucher et Franck Wastio fondent le projet instrumental Jazz Funk. Quelques mois plus tard, ils invitent Benjamin Bergeron en tant que claviériste à se joindre à eux. Rapidement, le talent vocal de ce dernier leur fait prendre une direction plus P-Funk et Funkstitution voit le jour. Après environ 4 années à faire groover avec succès les adeptes du funk de Montréal d'une perspective créative, Benjamin ne croit pas que son avenir est inscrit dans le groupe et il quitte donc la formation alors qu'on lui propose de collaborer avec d'autres artistes comme Lulu Hughes lors de sa tournée Crazy Mama ou les Madcaps avec lesquels il fera 2 tournées intensives pan-canadiennes. Or, indéniablement, le James Brown en lui le pousse à l'avant de la scène et 2 années plus tard, cette envie le rattrape. Un heureux hasard, qui sait, peut-être un destin et une inspiration spontanée ont suffi pour convaincre les anciens funk de suivre Benny dans ses compositions et de fonder ce qui est aujourd'hui devenu un projet d'envergure. Vous êtes donc prévenus, retenez bien ce nom, Benny 72, car bientôt vous entendrez bien peut-être un nouveau groupe rock qui vous donnera une irrémédiable envie de danser et vous vous demanderez « C'est quoi le nom de ce band ?» Heureusement, vous aurez déjà la réponse. Hein, c'est un beau texte, hein? Benny 72. MySpace.com/72Benny est l'adresse. 72Benny, oui, il faut l'écrire à l'envers. Ou encore Benny72.com, voilà qui est dit. L'album est éponyme. On change de style, mais complètement, vraiment, vraiment à l'extrême, je pense. On pourrait dire qu'on est une radio d'extrême musical. Et ceux qui disent avoir la plus grande variété musicale disent n'importe quoi. Voici Escapade, l'album de Colombe Dufour. La pièce s'appelle Le Voyage. Et vous synthonisez votre poste d'écoute au 89.fm. Mes actions quotidiennes, chercher la paix quoi qu'il advienne. Pour aller bien, je fais le vœu, un cœur en paix pour aimer mieux, couvrir mon âme de silence. Dans chaque pas, chaque blessure, et dans quelque littérature, avec les yeux d'un orphelin en quête éperdu de ses liens, rentrer chez lui sain et tranquille, je multiplie les escapades dans le labo de ma croisade. Je fuis les camps qui emprisonnent et libérés, je suis tout comme une alliée de l'aventure dans le bilan de mon automne. Je m'analyse et fais la somme de mes revers et de ces mots qui m'ont porté un peu plus haut sur le chemin de la mesure. Un cœur en paix pour tous les hommes. Le voyageur entre les mondes, à l'abri de l'indifférence, tranquille et presque vagabond, ivre de rêve et d'espérance. Chercher la paix quoi qu'il advienne, dans toutes mes actions quotidiennes. Pour aller bien, je fais le vœu, un cœur en paix pour aimer mieux, couvrir mon âme de silence. Dans tous les pays de la terre, je crois bien, je ne suis pas seule. Dans sa recherche des altères, rêver le voyage en lumière, l'amour en action solidaire. Un cœur en paix pour tous les hommes, le voyageur entre les mondes, à l'abri de l'indifférence, tranquille et presque vagabond, ivre de rêve et d'espérance. Un cœur en paix pour tous les hommes, tranquille et presque vagabond, ivre de rêve et d'espérance. Ivre de rêve et d'espérance. Thank you. pour respirer. Des bouts de joie pour travailler. Assis debout, la vie décide. Le jeu se joue. Je sais, il y en a qui me disent que je devrais l'arrêter. Moi, je fais comme, ah, je sais pas, il y en a qui aiment peut-être ça. Non, finalement, ça jouera jamais assez fou, ça. Jamais. Donc, pourquoi le continuer, tu sais? Hein? Il n'y a aucune raison de continuer. C'est Colombe Dufour, mais tu sais, sa musique est respectable quand même. Elle dit sur son site qu'elle fait de la musique dans des hôpitaux et pour des gens, des personnes âgées, etc. Au pire, ils écouteront radio quelque chose d'autre. Je donnerai pas le nom. Bref, c'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute, donc on se quitte avec du rap. Ce sera sûrement pas bébé mieux, mais quand même, à un moment donné, quand on change, c'est pas toujours pour le mieux, hein. T'sais, les élections, jeu de mots super politisé, dans le fond, tu sais, super intelligent pour, comme commentaire. Bref. On s'en va entendre Gertrude Battu. Oui, avec l'album Joue avec les mots, et le mot étant un jeu de mots lui-même pour dire mots comme dans ça fait mal, hein. Ça aussi, c'est un jeu de mots excellent. Tout de suite, donc, c'est mixé par Mr. Y avec l'aide de Gertrude Battu et Paperboy entre 2007 et 2008. On va écouter la pièce Première Offense. Et les gens qui écoutent les rediffusions du samedi et du mercredi sont toujours très chanceux. Ils ont 20 minutes de contenu additionnel et ils vont devoir peut-être souffrir à travers plus de rap. Vous avez échappé peut-être à la prise. Tout en direct le vendredi matin à 10h. Gertrude Battu tout de suite et puis restez avec nous. Les nouvelles de Radio-Canada suivent pour les gens du vendredi. Hein? Voilà. C'est fait. C'est dit. www.unechance.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui en passant. primate, un cul de primate. Mon pack, mon spack, mon flow qui attaque, qui sac, qui file, une qui flamme ma mine. J'me fous des kilowatts, ouais, j'te mis mon sang, gold porch. Ma gueule est confit, ma langue c'est comme si j'ai ta main de filet, quoi, c'est en sursis. Fonce tes sourcils, face à ma trash, poésie. Man, j'ai même pas de style, j'ai même pas de la peau. J'suis pas comme un bout de chou, mais j'suis né dans un pot. Un pot de ma wild thing, payé c'est pas rien, payé c'est pas bien. Voler c'est pas beau, travailler c'est trop dur. Remplace mon bon placé pour toutes les marques d'argent du rafono. T'as beau critiquer, des gènes, un scrano qui t'aide, t'en oublie ça de faire. Tu t'es comme toi, c'est l'enfer. War Funkies, les sacs plastiques t'en conquis. C'est qui con, smash, jolly. Comme tu fais, Roussel, mon jamais. Mon Céline, mon Céline, là mon Céline, mon Céline, qui le. Y'a pour comprendre ce que je dis, c'est deux choses. Il te faut les paroles, un train intelligent. Sur des cordes, ce qui se capte les lignes. Y'a mes lignes, ce sont mes lignes. Y'a mes lignes, ce sont mes lignes, ce sont mes lignes. Y'a où la track produce by me MPP. L'avantage de travailler des amateurs, c'est que le service est gratuit. Puis le vouloir est ici aussi. Il est assis avec nous, j'ai jamais l'hésité. Ce serait normal, je serais parti. Rime à volonté, volontiers. Merci inspiration pour tout ce que tu m'as donné. Je dessine sur un bout de papier. Mon dessin destiné à ma stabilité. J'amuse avec vous, voyez, si vous saviez ainsi. Avec ses soucis, aller jusqu'au bout de ses idées. Voici ce que j'apprécie. Que tous les élixis cessent leur snipsy. Provoquer l'interaction pour la galaxie. Sans hésitation comme quand tu swings en bouti. Mon esprit à son village, ton petit petit. Je ramasse du critique, tu te passes à la vie. Tu te passes à la vie, ton bébé. C'est moi et bébé, assis devant mon ordinateur. La tournée de lutte comme c'est ma nicotine. C'est tout seul, efficace, contre la solitude. Je travaille une batterie sans que je me fasse battre. Les beats sont groove, les drums sont fast. Leur style d'asse, son bal de style basse. Donc tu comptes et que tu vas prendre le barrage. Avec une coupe de synthé qui se détrache. J'installe mon flow, instrument mon stylo. Parmi de beaux, je veux faire des bonbons. Avec mon bricolage, des gens plus haut qui se déo. Next, next, next, next, next. C'est beau, je me fie au feedback. J'ai autant de défis de rank que du pignot. De la musique émergente, pardon. Avec nous, un nouvel artiste de la relève depuis 30 ans, j'ai nommé Gertrude Battu. Monsieur Battu, bonsoir. Non, c'est où ça? Bonsoir. Ma recherchiste Mac Cloutier m'a dit que vous essayez par tous les moyens possibles d'être reconnu par la masse. C'est vrai? Voilà, c'est pas vraiment même que je qualifierais la situation. C'est quoi le rap? Justement, ça rime à quoi tout ça, hein? On veut savoir? On va te le dire, moi. Parce que... ma recherchiste a entendu à travers les branches que vous vous présentiez déjà comme étant un artiste auteur, compositeur, scénariste, BDiste et même musicien. Yes, hein? Tout cela sous de multiples pseudonymes par-dessus le marché. Écoute, le névrosé, t'as-tu vraiment besoin d'ajouter à ton arc le rôle de rappeur en plus? Gertrude Battu, pourquoi tu rappes? Pourquoi je rappe? Ça, c'est une bonne question. Peut-être pas c'est le seul moyen d'exorciser mes démons. Non, mais qu'est-ce t'en penses? J'ai pas le choix. J'en ai trois sur mon lip, une fille sur mon balcon. Non, mais crèche d'ambiance. Le face booming, le fond plus de silhouette. J'marche au son, pas de flip dans les poches. Les rimes sont ma moisson. J'm'accroche au noir subtilisé. J'écris subtilisé, stylisé. Pourquoi je rappe? J'vais ressurgir le contrat. Ça star constate l'usage. J'mélange les astronomies. Tous les ingrédients possibles contre la gastronomie. Nation pour une nation dominée. Je vais repartir la race enracinée dans une structure préétablie. J'en mets aussi de ce drastique de mes mesures et la surface. Par là, je veux dire qu'ils sont faves pour les illettrés. D'accord, mais pourquoi vous êtes nommé Gertrude? C'est pas un peu, comment dirais-je, dégueulasse comme nom. Je veux dire ce que je veux, génétique comme je peux. Je veux comme Jeff Fignon, moi je m'assume. J'assure un peu de rime comme si je fais l'air 100 millions. Pour plusieurs, le rap suis. J'suis la gros dragon pour me mettre en beat. I drink so I drop down. Dans ma bite, ça regorge de houblon. Le carburant du MC, j'ai l'impression. Ça donne du courage et plutôt une illusion. Côté bas, j'ai le cap d'entreprendre mes options. Yo, c'est là que ça s'enchaîne. La Chine à ma chienne, c'est là que ça déchaîne. J'suis lié aux plaisirs illimités. De façon illimitée, je ne sais plus limiter. Crions, trahison, l'union. Question de célébrer la révolte. Et j'étais prêt envers les ténèbres. Y'a trop de voiture, frère, c'est plus sale, ça. Salutations. Get out, Shirin. Tu commences à saisir. Ouais, en effet, je suis saisie. Ouf, c'est étourdissant. Par contre, je crois que le poète a fait ses preuves, mes chers auditeurs. Nous pouvons lui faire une place dans le showbiz émergent du Québec. De toute façon, ça prend pas grand place un artiste émergent underground ici. Après la pause, Maria Garotti, une gentille interprète masochiste. Pourquoi fait... je rappe? Parce que l'époque est une source inépuisable. Chaque échantillon utilisé donne hommage. Ça rend la musique inoubliable. Peu importe l'âge que se proclame, c'est l'art du découpage. La récupération sonne dans un beau gloss. Comme je me tapais le luxe de jammer avec mes artistes préférés. Si qu'on innove, qu'on pousse, faites avancer. Yo, la musique a un autre niveau. Là-dessus, c'est loin du caniveau. J'ai le canevas qui consolide l'utopie, j'ai du nouveau. Ma cause, c'est mon respect pour les mots. De faire chanter chaque syllabe est ma vacation. La vacation consacrée à la richesse de la langue et son franglaise. Prends ça, souffrant et à l'aise. Avec ton expression du langage, t'enrichis à mon vocabulaire est un gage. La langue en évolution, ma langue en ébullition. Pourquoi je râle? Parce que je me pose des questions. Pauvre fracassé, tu te poses des questions. C'est cute. Ouais, je me demande vraiment pourquoi t'es animatrice, même. Ah bon? Pourquoi tu te demandes ça? Animatrice, je suis une très bonne animatrice, tu sauras. Tandis que toi, en tant que rappeur, je me poserai pas de questions, puis j'arrêterai ça de suite. Troisième heure du poste d'écoute, oui, troisième et dernière heure, malheureusement, de ce poste d'écoute, qui est presque complètement francophone. Je disais qu'on allait remplir au moins deux heures, ben c'est déjà fait, il nous en reste un album de francophone pour cette semaine, c'est celui de Sweetheart Sebastian, mais avant ça, je vais vous faire un petit avant-goût de ce qui s'en vient plus tard. Il va y avoir des vétérans des palmarès, oui, Sean Hewitt avec Spare Hearts, et ceux qui viennent de quitter, il y a à peine quelques semaines, le palmarès anglophone, The Great Outdoors, qui nous avait envoyé un maxi qui s'appelait, comment, Summer in the City, celui-là s'appelle Fall, donc la suite de ça. Mais on commence avec donc Sweetheart Sebastian. Tout de suite, voici Sunshine. Qu'est-ce qui fait été? Mais bon, ça fait pas bien main dans le décor, mais que voulez-vous? C'est le Poste d'écoute au 89.1 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Moteur à réaction, perfond de la tête qui a poison. le poste d'écoute. Et moi de Sweetheart Sebastian. Juste avant, c'était Réaction. Avant ça, c'était Allez, viens. On a débuté avec Sunshine. Formation Sweetheart Sebastian du pop-punk rock de Hochelaga Maisonneuve à Montréal, oui. Ils vont être au Ziboueur du Rock, l'émission de CISM, le 89.3 FM à Montréal, notre équivalent ici. Ça, c'est le 24 novembre. Et ensuite, le 25 à 17h. Oh, j'ai oublié de dire l'heure. Alors, c'était 19h au Ziboueur du Rock, CISM 89.3 ou sur Internet. Et puis, le 25 novembre à 17h, c'est le lancement de l'album à l'Escogriffe avec le duo Turbo. Tout ça, c'est bien sûr à Montréal. Sébastien Sweetheart est le membre principal de Sweetheart Sebastian. Il joue de la batterie, de la basse, de la guitare rythmique et de la guitare solo, clavier, voix, backup et son. Influence Bijoux, Fatty Water, Dépression, les Dogs, Star Shooter, Bulldozer, Téléphone, les rythmeurs, etc., etc. Là, je lis sur leur MySpace, sur son MySpace ou myspace.com/sweetheartsebastian. C'est le désordre total là-dedans, mais il y a quelques informations pertinentes. Et je cite, « Je suis Sébastien Sweetheart. Je joue de la basse et je chante dans mon All-Star Band de Sweetheart Sebastian. Je joue de la batterie avec les Vautours, Kid Sentiment. » Là, dans ce band-là, il s'appelle Sébastien Sentiment. « Je joue de la basse avec les Dérailleurs, de la batterie avec les Malavenants et du synthétiseur avec les Névroses. Les membres du Sweetheart Band sont Mathieu Blood au clavier, Martin Tête de Mort de Kid Sentiment, ex-Vautour, Malavenant et Trappeur à la batterie, Azur de Grâce des Vautours, guitare rythmique et backup, c'est ce qu'elle fait, et Lippy Bailey de Lee for Lee, ex-fumant et trappeur à la guitare solo. C'est mêlant un peu, hein? C'est très mêlant. Mais bon, allez voir le MySpace au myspace.com/sweetheartsebastian et leur album m'a l'air très éponyme. C'est sur Paf Disque, ça c'est très bien. On passe à de l'anglophone, mais bon, vous savez que depuis le début de l'émission, si vous étiez là, on a passé que du francophone jusqu'à maintenant. Il nous reste une petite quarantaine de minutes presque pour passer de l'anglophone. Et question de faire transition du francophone à l'anglophone, j'ai pris un groupe anglophone qui porte un nom francophone. Il s'appelle Chic Gamine ou encore Chic Gamine. Tout de suite, voici Butterly Woman et ça se passe tout de suite dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble dans votre radio. Radio au 89.5. Butterfly woman, told me talk is cheap, so I'll show you how to walk and I'll give you the beat. Butterfly butterfly woman took me by the hand. She said, first you're gonna have to learn to stay. Learn to stay. Butterfly woman said, listen to me, I'll give you everything you need to live free. Butterfly woman said, here's the truth, but don't make it still, we'll help you move. We'll help you move. We'll help you move. And she said, hey, yeah, oh, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, oh, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, oh, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, oh, so many people here just talk to talk. Gotta know when to love and know when to walk. Come in here, you know I've seen it all. But don't make you stronger, we'll make you fall. We'll make you fall. We'll make you fall. I am the one that shows the only way to change is by growing old. What I am to you may look weak, I'm as strong as the ground on which I sleep. On which I sleep. On which I sleep. Oh, oh, oh, oh. And she said, hey, y'all. Hey, y'all. Hey, y'all. Hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Long ago, before my hand turned gray and my spine was bowed from the weight of days, before my hips widened to bear the load, I thought that I could never grow old. But love has given me more, it seems, than riches and worries and pain and greed. And though my youth has wandered far and wide, these skinny old legs still don't break stride. Hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya. Même quand la musique est bonne, là, on parle de Chic Gamine ici qu'on est en train d'écouter. Tu sais, au début de la pièce, j'ai dit que la pièce s'appelait Butterly Woman. C'est clairement Butterfly Woman, mais quand tu fais une faute d'orthographe sur le premier nom de pièce sur ton CD, pas très crédible. T'sais. Pas très. Ça fait comme. Est-ce que tu botches d'autres choses là-dedans? Et bref. C'est très superficiel tout ça. On revient après la pause avec d'autres musiques, Sean Hewitt et The Great Outdoors. Restez là! Le poste d'écoute. I wake up sick every day. My head aches when I think of things to say. Oh, to say. And you're mad, but so am I. And it's so sad, but what gives you the right to say goodbye? empty out my pockets just to sing those songs you like. Oh, you like. Now you're saying that you gotta go, thinking you could run to where hard times won't follow. Visitez les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. Cada mañana, la madrugada, a la ventana al lado de mi cama, la pequeña golondrina me esperaba. ¿Dónde estás? Belleza mexicana. Oh. Gamine avec Golondrina, précédée de I Don't Lie et de Butterfly Woman. Dans le poste d'écoute, chez Gamine ou Rigmine est un groupe de Soul Roots. Roots, oui, Roots. Bravo. Music de Winnipeg et Montréal, Manitoba, Canada. C'est ce que ça dit sur leur MySpace au / chez Gamine ou chez Gamine.com. Les 5 A de ce groupe sont Annick Brémeau à la voix, Alexa Dirks à la voix, Ariane Jean à la voix, Andrina Turenne à la voix et Sacha Daoud aux percussions. Son vrai nom, par contre, est Alexandre. Ça le précise même sur le MySpace. Influence le rire, les animaux, les harmonies croquantes, l'art en général, etc., etc. Ils sont en grosse tournée en ce moment, là, un petit peu partout dans le Canada, même aux États-Unis. Et puis, ça dit dans leur biographie que c'est un groupe charmant. C'est Chic Gamine, donc, est un groupe charmant de Winnipeg et Montréal. Un quintet qui fait la sérénade à son public depuis l'été de 2007. Par coïncidence complète, le groupe est composé de 5 personnes avec des noms qui commencent par A. C'est joli, hein? Je répète les adresses myspace.com/chicgamine ou chicgamine.com. Leur CD s'appelle aussi Chic Gamine. Allez vous informer si ça vous intéresse ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a les liens de tous les artistes de toutes les émissions du poste d'écoute et la balade de diffusion en MP3 pour réécouter l'émission à votre bon plaisir. On continue avec une formation qui vient de quitter le palmarès anglophone de C'est Fou avec la pièce Summer in the City. C'est la formation de Great Outdoors et là, ils nous ont envoyé un autre maxi de seulement 5 pièces. Il s'appelle Fall et à l'instant même, on écoute Under the Sun. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble dans votre radio. Ben oui, 89.1 FM. Ben ouais. They're always looking back in you, like when we were pouring sand into a jar among the pile of your remains, the shadow and the fall, the things you made, they came from you. Gave them all away to your ghost. I'm hanging on. With you, I will walk under the sun. poste d'écoute. Love you for so long. 89.1. sure that the sun's out? And will you make sure that all is green? Great Outdoors est la pièce de Garden de leur album, ou plutôt Maxi Fall. C'était précédé de 10,000 Baby Birds et de Under the Sun. On a triché encore une fois cette fois-ci. Ça, c'était les pièces 1, 4 et 5. Donc voilà, pour ceux qui veulent se renseigner, allez voir sur le web, sur l'internet, au myspace.com/ The Great Outdoors Band. Ils ont aussi un vrai site web, thegreatoutdoorsband.com. Les membres sont Ramon, Greg, Peter et Jenny. Pas beaucoup d'informations, mais quelques vidéoclips sur leur MySpace, donc toujours intéressant. Et puis, ben, c'est des vétérans du palmarès. On aimerait ça avoir un album complet de leur part. Je sais pas, il me semble que c'est bizarre d'envoyer tout le temps des maxis avec les saisons. Mais c'est un concept comme un autre. On va terminer l'émission avec Sean Hewitt et l'album Spare Hearts. On va entendre pour commencer la pièce Keep Them At Bay qui va terminer cette émission. Et puis, ben, les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi auront toujours 20 minutes de contenu exclusif à ces rediffusions. Donc, eux vont entendre Try, Try Harder, Interlude et One on One au moins. Et ça, ben, Sean Hewitt and the National Strike, c'est le nom complet. C'est du pop progressif autre, selon eux-mêmes, qui vient de Toronto. Le groupe, c'est myspace.com/SeanHewitt ou encore schmusic.com. Pour toutes les informations sur tous les artistes de l'émission d'aujourd'hui, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com et profitez-en donc pour vous amuser comme un amuse-bouche en téléchargeant la balado-diffusion ou le podcast dans votre computer USB plugged in, let me begin, etc. Unechance.com, c'est le site à retenir, www.unechance.com. Bonne semaine, c'est Rock Classique qui suit avec Annette Lefebvre dans quelques instants, les vendredis. Bye bye et gros bisous, XOXO. When the time is right, after I keep them at bay. Cause I know the space you need, the space we need, the space between. don't know where it had me. I thought that I would stay free, but then I caught myself wasting time. You won't believe what you see, a better version of me. I tried for many days, but finally I found my stride. I'll try to take my touch, but I just know that I can I will. wish I'm ready to flinch. If I'm on your lips, we'll kick to the lips, you better not miss. Cause I'm not afraid to fight you one on one, one on one. But I'd rather dance with you. Yeah, yeah, yeah. I'm not afraid to fight you one on one, one on one, one on one, one on one, one on one. Cause I need you, you're all I have. Fine, cause you're mine.